Je vous les donne en anglais, puisqu'on les avait administrés en anglais. Un test écrit qui a été un questionnaire écrit que tous les étudiants, près de 200 étudiants de l'école d'été, ont rempli une semaine avant d'entrer à l'école française d'été. Par exemple, le soi-disant California F Scale comprend des questions de cet ordre-là. People can be divided into two distinct classes, the weak and the strong. Human nature being what it is, there will always be war and conflict. Je pense que répondre oui à cette question, ce serait être réaliste, non pas nécessairement fasciste. La deuxième partie du questionnaire permettait d'évaluer ce que nous appelons anomie, qui est un terme emprunté au sociologue français Durkheim. L'anomie étant le sentiment d'un manque de sécurité ou d'insatisfaction qui caractérise une personne, en particulier dans la société où il vit, et qui peut effectivement aussi caractériser surtout le bilingue et peut-être l'étudiant d'une langue étrangère. C'est un mot qui a été lancé par Durkheim dans son célèbre livre « Le suicide », expliquant les cas de suicide à un trop grand degré d'anomie chez des sujets. Donc, je dirais en gros que par anomie, il faut entendre les sentiments d'aliénation à son propre groupe, d'insatisfaction d'un individu à l'égard du rôle qu'il joue dans la société. Alors, exemple dénoncé sur lequel les étudiants devaient donner leur opinion. « These days, a person doesn't know what he can count on. Having lived my life in this culture, the United States. » C'était presque tous des Américains, aussi des Canadiens anglais. « Having lived my life in this culture, I would be happier moving to some other country now. » Voyez-vous, insatisfaction par rapport à la culture dans laquelle on vit. Bien sûr, toutes ces questions étaient mélangées avec d'autres. Il n'y avait pas, on les a sorties après dans l'ordre où elles venaient sur nos listes à nous. En troisième lieu, le questionnaire évaluait l'attitude des étudiants vis-à-vis des Français et de la culture française. Je dois dire qu'en 1958, le Québec n'était pas encore dans le vent, tout à fait, et que malgré un effort de ma part d'adapter l'école française d'été au Québec, nous avions déjà des cours de littérature canadienne-française et des cours de civilisation canadienne-française, c'était à un moins grand degré qu'aujourd'hui. Et la plupart des anglophones qui venaient effectivement pour apprendre le français, aller ensuite passer une année en France et n'étaient pas particulièrement intéressés, disons, à ce qu'on peut appeler la culture québécoise, ce qui a beaucoup changé maintenant et je crois pour le mieux. Alors donc, il s'agissait surtout d'évaluer l'attitude des étudiants vis-à-vis de la culture française, des Français, mais on pourrait faire la même chose vis-à-vis des Québécois et de la culture canadienne-française, c'est évident. Exemple de questions posées sur lesquelles ils devaient donner leur jugement. « Compared to the French, the North Americans are an unimaginative people. » Autre question, « More people should make an effort to learn French. » Et pour les filles, « I would rather marry a French male », etc. Donc, on peut dire que ça, c'était au moins un intérêt, si vous voulez, pour l'autre pays. Cette partie du questionnaire mesurait donc l'attitude positive ou négative des étudiants envers les francophones, et les Français en particulier, et la culture française comparée aux nord-américains anglophones et à leur culture. Enfin, la quatrième série de questions permettait de déterminer les raisons pour lesquelles l'étudiant apprenait le français, plus exactement les raisons pour lesquelles il avait décidé de suivre, par exemple pendant 6 semaines à McGill, pendant l'été. Ça lui coûtait de l'argent, il ne pouvait pas travailler pendant ce temps-là. C'est vraiment que ça l'intéressait. Qu'est-ce qui l'avait amené à suivre pendant 6 semaines un cours intensif de français? Mon collègue Lambert classe les étudiants de langue vivante en deux groupes en ce qui concerne la motivation, si je puis dire. Deux groupes qu'il appelle respectivement l'un instrumental et l'autre intégratif. Les instrumentaux sont ceux qui apprennent une langue pour des besoins pratiques. Par exemple, j'ai besoin du français pour mes crédits. J'ai besoin de français pour augmenter mon salaire. J'ai besoin de français pour avoir une promotion. Ça, ce sont des raisons très terre-à-terre, mais enfin, ce sont des raisons valables et qui existent. D'autres, au contraire, apprendront une langue pour des raisons beaucoup plus culturelles. J'ai un de mes collègues, par exemple de McGill, qui a été banquier très longtemps et qui a appris l'italien pour lire Dante dans le texte. Il est devenu ensuite professeur d'espagnol, parce qu'il parlait l'espagnol couramment, il a fini sa carrière comme professeur à McGill. Il a appris l'italien pour lire Dante dans le texte. C'est un cas extrême, mais enfin, ça se trouve. On peut dire également que l'on apprendra une langue parce que l'on est intéressé par la culture du pays, par la peinture de ce pays, par la musique de ce pays, pour que l'on veut lire les critiques d'art dans la langue, etc., etc. Ce sont donc, pour les intégratifs, des raisons d'ordre plus culturel et peut-être un désir de se mimer, d'imiter, de se mouler dans le cadre de la culture de la langue seconde. Et puis enfin, nous avions une cinquième partie qui visait, c'était plus compliqué là, à établir si les étudiants, au point de vue sémantique, faisaient les mêmes distinctions entre certains mots anglais et leurs équivalents français. Des mots par exemple comme « friend »,« literature »,« truth »,« church »,« elegance », »,« family », »,« me », et puis d'autre part, bien sûr, « ami », »,« littérature »,« vérité », »,« église », »,« élégance », »,« famille », »,« moi ». Alors on a utilisé là aussi l'échelle en 7 points. Bon, et puis ensuite, on leur a fait passer un test de français quand même, pour savoir ce qu'ils connaissaient. Ils ont été soumis à d'autres tests linguistiques pour déterminer leur progrès en français à la fin de l'école française d'été, et on leur a donné de nouveau un test sur les attitudes et les motivations, qui était dans la même veine que le premier, mais avec des questions différentes, bien sûr, pour ne pas qu'ils répondent au même test. Bien, les résultats de l'enquête montre que dans le fond, en ce qui concerne les changements d'attitude, que le préjugé autoritaire augmente. Il y a deux sections à l'école d'été, il y en avait deux à cette époque-là, une section élémentaire et une section avancée, mais pas débutante. Le préjugé autoritaire, le fameux California Fascist Scale, avait augmenté dans la section élémentaire. Les psychologues de McGill étaient tentés d'appeler cela, du reste, De Gaulle prejudice, n'est-ce pas ? Disant que les professeurs français avaient tendance à se comporter comme des gaullistes et à imposer aux élèves des devoirs, à ne pas les laisser parler, ça j'en doute. Mais enfin, c'est vrai, il paraît que ça a augmenté. L'anomie a augmenté dans les deux groupes. Il n'y a pas eu de changement, si vous voulez, significatif vraiment au point de vue statistique. Et je crois que ça peut s'expliquer, parce que vivre pendant 6 semaines dans une résidence, après avoir prêté serment sur l'honneur de ne parler que le français, la fameuse « no English rule », il y a de quoi vous faire, changer un peu d'avis. Attendez, excusez-moi. Non, c'est pas ça. L'anomie, c'est-à-dire l'attitude vis-à-vis de son pays d'origine, avait augmenté dans les deux groupes. Ce qui était un peu inquiétant, parce que ça voulait laisser dire qu'avoir été immergé dans le français pendant 6 semaines amenait les Anglo-Canadiens et les Américains à se sentir un peu plus étrangers dans leur pays. Mais enfin, ça n'était pas trop significatif. Dans la section élémentaire et dans la section avancée, il n'y a eu aucun changement dans les attitudes favorables ou réservées. Il n'y avait pas d'attitude hostile vis-à-vis de la culture française, n'est-ce pas, vis-à-vis de ce qu'on appelait la francophonie. Autrement dit, la francophilie des étudiants n'a pas été tellement changée. Il n'y avait aucun, au départ, il n'y en avait aucun qui soit francophobe. Tous étaient assez favorables, certains très favorables, et ça n'a pas changé systématiquement. Pour l'orientation, dans la section élémentaire, ceux qui étaient instrumentaux sont restés instrumentaux, ceux qui étaient intégratifs sont restés intégratifs. Dans la section avancée, on a remarqué toutefois que la tendance était très nette et les résultats étaient significatifs. L'orientation était beaucoup plus intégrative à la fin de l'école d'été qu'au début. Autrement dit, ces gens-là qui avaient suivi aussi des cours de civilisation, d'art, de musique, de littérature, avaient peut-être été amenés à apprécier davantage la culture de l'autre pays ou de l'autre groupe culturel, et la comprenait mieux et avait tendance peut-être à se modeler un peu sur elle. En réalité, après cette énorme enquête qui a été menée pendant 2 ans de suite, il n'y a eu que relativement peu de résultats vraiment significatifs, de changements plutôt significatifs au bout des 6 semaines. Seulement, il faut dire que nous travaillions dans un contexte assez exceptionnel d'étudiants qui devaient être certainement motivés au départ et intéressés, sans ça ils ne seraient pas venus de si loin en dépensant pas mal d'argent pour suivre 6 semaines de cours intensifs, et que si l'on soumettait des élèves d'une high school normale ou d'un collège à ce genre de questionnaire et à ce genre de test, on trouverait peut-être des réponses très différentes. Autrement dit, on parle beaucoup de motivation et dans le fond, on ne sait pas très bien ce que c'est. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a des résistances pour apprendre une langue vivante et qui ne sont nullement liées, et c'est là où je diverge des psychologues de McGill, à des sentiments d'intégration ou des sentiments d'admiration. On peut très bien être français et apprendre l'allemand. On pouvait très bien être français et apprendre l'allemand avant la guerre. C'était même obligatoire des élèves de Saint-Cyr. Et l'allemand était une des premières langues. Vous me direz que les Français voulaient se venger après la guerre de 70, peut-être. Ben, c'était une motivation. Mais enfin, un des premiers chefs de la résistance française, Jacques Decour, était professeur agrégé d'allemand et ça ne l'a pas empêché de s'engager à fond, n'est-ce pas, contre les nazis. Et donc de faire une distinction, si vous voulez. En Europe centrale, prenez les Tchèques, ils ont été occupés par les Allemands très longtemps, par les Autrichiens, ça ne les empêche pas d'apprendre l'allemand, qu'ils jugent fort utile. Donc, je crois que peut-être ce genre de questionnaire serait plus utile dans un contexte nord-américain. Je crois surtout ce qui compte, c'est le fait d'être accoutumé à une langue qui n'est pas la sienne. Interviewé il y a 15 jours à CBC, c'est ce que j'ai dit, je crois. Dans des pays européens, les distances sont petites. On voyage facilement. Il n'est pas rare de trouver des groupes linguistiques différents. Prenez la Hongrie, prenez l'Autriche, prenez la Suisse, prenez la Tchécoslovaquie, prenez la Roumanie. Il y a au moins 2, 3, 4, 5 langues parlées, même s'il n'y en a qu'une officielle. Donc, dès le départ, la plupart des jeunes sont habitués à entendre d'autres langues. Bah, leur oreille est formée. Et ils savent très bien que ce sera utile pour eux de parler l'allemand, ou de parler le russe, ou de connaître l'anglais ou le français. Prenez le cas d'un Canado-anglais qui habite au Manitoba ou en Saskatchewan ou en Colombie-Britannique. Quel peut être l'intérêt immédiat pour apprendre une langue et quel peut être le bain, si vous voulez, linguistique dans lequel il a baigné et qui l'amène à décider qu'effectivement connaître une langue, c'est important. Nous sommes là dans deux situations très différentes. Maintenant, vous me direz, il y a la situation du Québec. C'est exact. En principe, il devrait y avoir une motivation plus forte. Seulement là, il faut distinguer souvent entre les motivations exprimées par les étudiants et les motivations réelles. Je me suis occupé pendant quelques années de l'École des langues du Canadien national, que j'ai montée du reste, que j'ai aidé à monter, bien que je n'y ai pas enseigné. Eh bien, nous avons administré des tests un peu identiques à celui de l'école d'été. Et nous avons remarqué qu'alors que, en toute sincérité, j'en suis convaincu, des Canadiens anglais disaient « Nous apprenons le français pour mieux travailler à Montréal, pour mieux comprendre la culture québécoise, la vie québécoise, etc. » Et je crois qu'ils étaient sincères au niveau conscient. Eh bien, ils réagissaient dans des tests, et tous les tests sont un petit peu vicieux, si je puis dire, puisqu'ils essayent de tirer vos réactions profondes, ils réagissaient de telle façon qu'on ne pouvait qu'en déduire qu'il y avait des blocages très profonds qui subsistaient. Je ne leur jette pas la pierre, ils n'en sont pas responsables, n'est-ce pas? Mais on peut dire qu'il y a là tout un domaine à étudier et que l'apprentissage d'une langue peut être bloqué pour des raisons psychologiques ou même d'ordre presque psychanalytique, enfin, qui n'affleurent pas au niveau conscient. Quelle que soit la sincérité et la bonne volonté des gens, je ne les juge pas, je ne les critique pas. Ils étaient, j'en suis absolument sûr, sincères, ils se donnaient beaucoup de mal. Mais souvent, avec moins de résultats, par exemple, que des néo-canadiens venant de Pologne ou de je ne sais où, et déjà habitués à des situations multilingues, et qui, eux, acquéraient le français beaucoup plus facilement et apparemment sans problème. J'ai trop parlé, je ne sais pas si j'ai fait le tour du problème, sans nul doute je ne l'ai pas fait, je voudrais simplement vous répéter que je suis convaincu de la grande utilité de la didactique des langues, de la pédagogie des langues, de l'application de la linguistique à l'enseignement des langues, à condition que l'on incorpore d'autres facteurs comme ceux de la psychologie. Merci. Vous seriez prêt à répondre à vos questions? Oui, bien sûr. J'ai l'impression que je vous ai un peu assommé, dans tous les sens du terme. Il n'y a pas de question, qui est simplement de parler, en ce moment, de servir, de une catégorie.